vaisseau de fortune, je pars vers la mer. Un cowboy perdu dans ce monde de fer. Russe m'appelle, l'huile en horizon, un œil redressé, temple des démons. Et charme t'y figure, leurs armes crachent, mais ma Winchester chante, les balles s'arrachent. Sous le ciel rougi, j'avance en peur. Chaque tir porté nourrit ma lueur. Wellrig en flamme, rider skill s'impose. Cowboy des mers, ma légende explose. Dans la fumée, je garde l'honneur. Reste tremble entier sous ma fureur. Les coffres s'ouvrent remplis d'acier. Chaque loot gagné grave mon passé. Dans la sueur j'écris mon nom. Cowboy des mers, chef des démons. L'océan me guide, ma main se tend. Le fer explose, les corps tombent lentement. Ensemble au Wellrig saigne, les flammes s'élèvent. Près dire ce qu'il règne, nul ne se relève. Wellrig en flamme, Raiders skill s'impose. Cowboy des mers, ma légende explose. Dans la fumée, je garde l'honneur. Russe tremble entier sous ma fureur. Son ombre s'abat, mais mes balles sifflent, je garde la loi. Sous le feu croisé, je grimpe au sommet. Cowboy de fer, nul ne m'arrêtera jamais. Ensemble,